Ça tourne. Yes. Bonjour. Bonjour. Le but de ce petit enregistrement préliminaire à notre premier podcast Cinéma Cabre est de se présenter et de vous expliquer c'est quoi Cinéma Cabre, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on va vous proposer une fois tous les 15 jours. Je suis Jérémy, bonjour. Bonjour, moi c'est Franck. Et Rachel. Et donc le projet Cinéma Cabre est né de l'idée de vous proposer un enregistrement podcast spontané sur un film de genre. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous que le film de genre? C'est du cinéma qui n'est pas du cinéma réaliste. Ça couvre des domaines très larges, hein, le fantastique, la science-fiction, l'horreur, le polar, la SF, voilà, de manière très très large, le cinéma autre que le cinéma de tous les jours. Et pourquoi cinéma cabre? Parce que ce qui va nous intéresser plus spécifiquement, c'est tous les films qui parlent de notre rapport à la mort, notre rapport à la souffrance, à la violence. Des films qui sont souvent chargés émotionnellement et qui vous font faire un grand huit émotionnel dans votre salle de cinéma ou devant votre Blu-ray. On a prévu un format d'enregistrement assez spontané où on va à chaque fois visionner un film avant l'enregistrement et vous en parler spontanément pendant une vingtaine de minutes pour vous donner un avis à chaud qui n'est pas du tout préparé et qui est un avis assez subjectif de spectateur lambda pour vous dire ce qu'on a pensé du film et ce qu'on en a retiré. On ne prend pas de notes, c'est vraiment quelque chose et un exercice qui est totalement spontané. Complètement à chaud, oui. Voilà, c'est complètement à chaud. Pas trop tragique. On va essayer de rester plutôt dans un ton assez cool et décomplexé. Voilà. Et on a prévu trois grands types de chroniques. Donc, soit on va traiter des films qui sont de l'actualité récente, donc des films qui nous interpellent et sur lesquels on veut vous donner un point de vue. On les verra soit en sortie Blu-ray DVD, soit pourquoi pas au cinéma. On peut imaginer enregistrer un podcast à l'issue d'une séance de ciné. Ça peut être vraiment bien, oui. Ouais. On a aussi l'ambition de vous parler de films qui sont un petit peu plus connus dans le genre. Donc des films qui peuvent être des grands classiques. Alors ça peut être Les Dents de la Mer, L'Exorciste, etc. C'est des films sur lesquels on a tous en général un niveau de connaissance préalable. Soit parce qu'on les a vus, soit parce qu'on les a fantasmés. Parce que ça peut être un niveau de connaissance qui vient d'images qu'on a vues à droite à gauche, de critiques qu'on a lues, enfin, c'est des films qui sont souvent dans l'imaginaire collectif. Des choses qui font partie un peu de la culture. Qui font partie de l'imaginaire collectif et qu'on a envie de redécouvrir et sur lequel on va avoir un regard tout neuf. Donc on va les revisionner et faire un podcast juste derrière pour en parler. Voir où on en est, quoi. C'est ça. Voir si le culte est à la hauteur de l'original, enfin du film. Voir si le film correspond à ce qu'on en attendait si on ne connaît pas, ou voir si le film nous touche autant qu'il nous a touché la première fois si on l'a déjà vu. S'il a bien vieilli aussi. C'est là que j'interviens pour dire que moi j'ai pas vu un grand nombre de films de genre, donc j'aurais peut-être justement cette spontanéité de la première fois. Sur la plupart des films de genre qui seront visionnés, dont on parlera, quoi. C'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose, on vient chacun avec notre background de spectateur et on ne se prétend pas critique de cinéma, donc on vous fait une prestation qui est très spontanée et très simple. Et on essaye de redécouvrir le film sans prendre de notes et sans forcément digresser autour du film et sans forcément aborder l'auteur, etc. Parce que c'est pas toujours pertinent. Ce qui nous intéresse, c'est le point de vue sur le film. J'en viens juste au dernier type d'émission qui est plutôt l'idée de vous proposer des films qu'on n'avait pas spécialement envie de voir, donc des films qui sont récents ou pas, mais qui sont des films qui peuvent être controversés par soit parce qu'ils ont fait un bad buzz à la sortie, donc très mauvaise critique, des retours plutôt négatifs des spectateurs et ainsi de suite. Ou parce qu'ils ont un thème qui peut être un peu scabreux. Alors là, je citerai uniquement Human Centipede ceux qui l'ont vu. Oui, c'est un bon exemple. Ou des nanars, des films qui sont considérés comme très mauvais et sur lesquels on y va un petit peu à reculons, sur lesquels vous pouvez aussi avoir des appréhensions et qu'on va essayer d'aborder avec un regard tout neuf et assez objectif, même si ça sera forcément subjectif ce qu'on va en retirer. Mais l'idée, c'est plutôt de se confronter à la bête immonde, à des films qu'on n'a pas envie de voir. Ouais. Films qu'on n'a pas envie de voir et qu'on va essayer de découvrir. Donc voilà, les trois types d'émissions qu'on va vous proposer avec un rythme de parution d'environ un podcast tous les 15 jours. Et ouais. Voilà. On va essayer. Merci de votre attention et à bientôt pour le premier podcast. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, salut. Merci, ciao.